16. Les rois et le crieur de nuit. Vous rappelez-vous tout cela, petite ? Non, non, mon oncle. À peine des dragées et de votre houlette, dont les rubans me paraissaient jolis, autant que votre visage à l'huile me semblait étrange et luisant. Vous fûtes pourtant revêtu ce soir-là comme le plus jeune enfant du logis, de toutes les parures graves de votre grand-mère, car nous étions au 6 janvier, jour des rois, dont la célébration se relevait dans quelques familles joyeuses et bien unies. Le bon vin partagé maintient la concorde, mais cette solennité fugace devait être cette fois mémorable par un événement lugubre qui l'attrista beaucoup pour nous. D'abord, en voyant monter sur la table un personnage de 5 ans, blond et rouge comme une grenade, sous la faille noire et la robe austère de son aïeul, une petite chose qui, lorsqu'on lui demanda d'une voix solennelle, en agitant les billets dans l'urne, « Qui hérite ?» répondit d'une voix fine et acide, « Dominus. » Personne ne se sentit disposé à reprendre un peu de sérieux et d'aplomb dans cette atmosphère devenue torride, qui nous formait alors un climat d'Afrique. Le poêle ardent rugissait des flots de chaleur, et parler tous ensemble, rire sans raisonnement, était tout ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire, même pour les plus lymphatiques. On vous posa donc sur la table au moment où les convives venaient de s'y asseoir, et votre main qui dormait déjà mêla dans une grande urne de cristal consacrée de temps immémorial à cet usage comme un symbole, peut-être de la fragilité du sort que vous alliez évoquer, tous les billets roulés avec mystère et chargés, au nom du hasard, de fonder cette dynastie d'une heure. La burlesque poésie de tous les votes libres, rehaussée d'une gravure sur bois et chantée par des voix plus ou moins harmonieuses, avait déjà fait éclater le bonheur d'une façon passablement discordante. Toutes les élections sorties de l'urne ayant été saluées par des battements de mains fort honorables pour les dignitaires, on vous plaça toute fière d'être vieille et d'avoir fait un roi au milieu de vos sœurs, où vous ne retardâtes pas à vous rendormir profondément sous le bruit du royaume et des cris « Le roi boit !» Il buvait fort bien, le roi, car c'était Martin qui venait de monter au trône. Sa large effigie, qui voulait régner en conscience, n'avait pas vidé un verre qu'elle n'en remplit un autre. Il fit un discours bref, en s'adressant gravement à la coupe qu'il tenait dans sa main ferme et royale. « Hâte-toi de passer, dit-il, car tout à l'heure il y aura foule. » Il but, et le toit faillit à s'écrouler sous les applaudissements qui accueillirent cette saillie pleine d'espérance. L'archi-chancelier, les chambellans et autres dignitaires, dont les noms sont passés de ma tête, me parurent trop pressés de manger pour faire des courtisans bien attentifs à l'altération du maître, et le fou, un de nos gros parents, mis au monde pour rire et faire rire les autres, dont la figure pouvait être comparée à une mie de pain trempée dans du vin de Bourgogne, courait autour de la table, armé de grelots et de bouchons brûlés, pour en marquer impitoyablement toutes les bouches paresseuses aux acclamations du roi boit, le roi boit. Le vin titillait dans nos verres et faisait des perles brillantes, comme tous nos yeux pleins de joie. Je m'arrête avec une sorte de plaisir d'enfant sur cette scène, la seule un peu gaie que j'ai à ressaisir dans ce passé si lointain, où le deuil succéda si vite au chant vers la fin de cette nuit folle. Le triboulet de la fête mettait un zèle si sincère à faire célébrer les toasts du roi qu'il s'enroie bientôt, et voulut abdiquer un moment pour avoir le droit de se désaltérer lui-même, vain espoir. L'infatigable Martin le fit cribler à son tour, des traces de bouchons redoutables. Toute sa tête ne ressembla bientôt plus qu'à un morceau de liège brûlé sur des charbons ardents. Le fond de son teint était comme cela. Nous étions nous-mêmes tous plus ou moins flagellés et affreux, ce qui le remplissait d'orgueil et d'une hilarité délirante. On lui apprit pourtant qu'il était le plus atrocement laid du royaume. Il jura le contraire et courut consulter le miroir. Le miroir, voilé du brouillard de nos haleines bouillantes, lui répondit par une tête de monstre. Il ne se reconnut pas. Sa hideur burlesque n'est pas à vous rendre, sous l'étrange bonnet dont elle était surmontée. Vrai chapeau de fou, fait à la hâte d'une nappe de Hollande, au feuillage damassé, lourde et bruyante de toutes les sonnettes qu'on avait pu y pendre. Il fut émerveillé, et s'apostropha d'un rire convulsif qui devint bientôt inextinguible. Au milieu de cette innocente bacchanale, où le monarque Martin fit des prodiges d'enjouement et d'appétit, le crieur de nuit Bisio, de lugubre mémoire, dont le ministère avait été aboli à l'aube de la Révolution, rentrant chez lui fort tard, transfuge de quelques cabarets, trouva plaisant de nous glacer d'effroi ou peut-être de se faire jeter une part de notre gâteau pour le prix de sa lamentable sérénade. Il courut en toute hâte au pied du rempart, où logeait sa misère et sa cloche, dont le son terrible nous fit bientôt et tout à coup bondir d'étonnement et de souvenir. Planté devant la maison de votre père, si bien connu des pauvres, il ressaisit dans le passé toute la splendeur de ses poumons, pour hurler en dépit des ordonnances « Ayez-vous, gens qui dormez, priez Dieu pour les trépassés !» Et la cloche dallait avec l'énergie railleuse de l'heureux crieur qui rentrait, par un coup de tête dans ses fonctions sépulcrales, non sans charme peut-être, pour sa mémoire errante et veuve. Au milieu du silence qui avait fait comme un creux dans la fête « Éveillez-vous, gens qui dormez !» s'écrie le fou en nous regardant avec l'air hagard, et promenant plein de stupeur ses yeux autour de la chambre, comme si quelque apparition funèbre eût asphyxié son jugement. Puis une contraction fatale l'entraînant sans qu'il pût l'arrêter. Il se tord, il tombe à terre, se roule et se raidit dans cette convulsion, qui devient bientôt immobile. Chacun s'étonne naïvement d'abord, car un état d'ivresse et de titubation contagieuse nous enivrait, sans nous effrayer encore. Mais voilà qu'il ne bouge plus. Voilà que tout le monde se détache de la table et se penche vers lui. Dort-il ? Fait-il le mort ? Non, il sanglote, il étouffe, il râle. Une action frénétique agite son corps. On crie, on ouvre les fenêtres, on lui jette de l'eau. Inutile soin, son cou s'enflit des bleus. Il va mourir. Du secours, de l'air. Le médecin. Mon Dieu, il est trop tard. Le médecin est à l'autre extrémité de la ville. Et l'infortuné n'a plus de pouls ni de mouvements. N'importe, courez pour l'acquit de vos consciences. Ma mère, consternée, m'entraîne et me jette hors de ce spectacle. Il va mourir s'il n'est pas mort, dit-elle, et sans confession, miséricorde. Courez, Constant, chez monsieur le curé, à l'entrée du cimetière. Éveillez-le, priez-le à genoux qu'il vienne. Il viendra. Une prière et l'absolution, mon fils, que sa pauvre âme ne s'envole pas toute noire, comme sa figure. Soyez tranquille, ma mère, c'est la plus honnête créature. Vous avez beau dire, mon fils, un sacrement ne gâte pas la mort. Vous sentez qu'affublé ainsi, il ferait peut-être un long purgatoire, et le saint viatique lave tout. Courez donc, car j'en mourrai moi-même 10 ans avant mes jours. Et je vole tremblant, en berger, heurtant le crieur de nuit, qui triomphe d'entendre ouvrir, mais que j'épouvante à mon tour par ces mots inattendus. « Un homme se meurt, un homme se meurt !» répétais-je en frappant à coups redoublés, chez notre vieux curé, paisiblement endormi, et dont la porte mal fermée s'ouvre toute seule sous mes coups effrayés. Monsieur Goguillon, ce doux prêtre, échappé à l'exportation par son caractère humble et bénévole, disant des neuvaines pour les tristes, ondoyant les enfants, assistant les malades, croit rêver en me regardant au chevet de son lit, si effaré, si blême, sous mon habit de bal. Je l'instruis, je le conjure, je l'habille, je l'entraîne, et j'emporte moi-même avec terreur la croix devant cet homme de Dieu, presque endormi, récitant d'avance, et d'une voix tremblante les prières des agonisants. Oh, que c'était morne dans une nuit d'hiver! Tous les trépassés du cimetière semblaient se lever pour nous servir de cortège. Nous entrâmes sans obstacle. La maison, si changée alors, était ouverte, pleine de terreur et d'un silencieux tumulte. Mais à l'aspect bizarre du mourant ou du mort, coiffé de sonnettes et resté barbouillé de l'ivresse du festin, toute la gravité du prêtre pensa à l'abandonner un moment. Il voulut fuir, alarmé du rire torturant qui tyrannisait encore plusieurs témoins de cette scène de deuil. Nous lui barrâmes le passage, ceux du moins qui étaient rendus à toute la solennité de cette heure amère, et qui ne s'étaient pas sauvés dans les chambres voisines. La pauvre veuve se jeta désespérée à ses genoux, perdue dans des sanglots déchirants. Nous entourâmes tous ce porteur des huiles saintes, avec des prières si vives et si pressantes, qu'il rejeta en arrière tout scrupule, et bénit le plus gravement qu'il put cette créature immobile, morte d'une joie brisée au milieu de sa famille à genoux. La mort ayant étouffé sa proie et l'acte religieux accompli, le pasteur prudent nous fit sortir l'un après l'autre, afin que personne ne succombât plus dans cette nuit, aliéné par le rire furieux, qui se réveillait puissant, jusqu'à saisir le pâle prêtre lui-même, sous son imposant et triste ministère. Le lendemain, réunis autour de la fosse où nous vîmes glisser notre bon camarade, nous ne parlions plus, mais nous cherchions en nous-mêmes ce qu'il pouvait y avoir de si plaisant dans une vie qui finit toujours là.